Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le poker, c'est pour échapper au temps. Alors, bluffer, c'est échapper à quoi ? Vrai ou bluff ? Attention, le bluff, ce n'est pas nécessairement le faux. Ce serait trop simple. On peut bluffer avec du vrai. Le tout n'est pas de se montrer le plus subtil, mais d'être tout simplement celui ou celle que l'on croit. Et il n'y a pas qu'aux cartes que l'on peut ou que l'on doit bluffer. Pour le plaisir, les menteurs professionnels bluffent, les faussaires bluffent, les magiciens, les illusionnistes bluffent. Et en médecine, bluffe-t-on ? Un atelier de création radiophonique le 31 mars 1996 disait la vérité sur le bluff ou les vrais imprévus et les fausses illusions. ACR. Atelier de création radiophonique. Bluff ou de vrais imprévus en fausses illusions par Norbert Aboudaram. Avec Olivier Gou, neurologue, un joueur de poker. Gaëtan Mikalef, entraîneur, et Mehdi Labdouni, boxeur. Arnaud Troubetskoy et les peintres répliqueurs de la galerie Troubetskoy. Christine Gou, professeur de mathématiques. Jean Bailly, acousticien. Et Alain de Moyencourt, illusionniste. Conception, musique, texte, Norbert Aboudaram. Comédien, Nathalie Cerda, Alain Langlais. Réalisation, Monique Burguière, Jean-François Artero. Véronique Amiot. Pourquoi le lièvre ne rattrape-t-il pas la tortue ? Cent francs. Un illusionniste, il fait croire que quelque chose existe, mais ça n'existe pas. Mais finalement, le joueur de poker, justement, dans le bluff porté à son sommet, les choses existent. Réellement. Une carte. Donc, c'est pas un illusionniste. En fait. La même. Il crée un réel qui n'est pas le réel, mais qui est plus réel que le réel, puisque tout le monde croit que c'est réel. C'est vrai, ça existe aussi en boxe, le bluff. Vous avez souvent des boxeurs qui sont d'un certain niveau, qui prennent un coup pour ne pas faire voir qu'ils ont pris le coup. Ils sont là, ils commencent à bouger, à faire des sourires, à baisser un peu les bras, à faire un petit peu une mime, comme quoi j'ai rien, quoi. Et c'est vrai que souvent, il y en a qui, tout en boxant, ils font semblant, sans prendre de coup, ils font semblant qu'ils sont sonnés, qu'ils sont touchés pour attirer l'adversaire et essayer de le contrer. Dans un illusionniste, aussi, mais il le croirait que dans l'instant. Tandis que là, finalement, celui qui a perdu tout son fric, il croit longtemps que c'était réel, qu'il y avait une couleur alors qu'il n'y en avait pas. Une ? Il y a d'abord un bluff petit, ça s'appelle maquiller les brèmes. Maquiller les brèmes, bah oui. Ça, c'est un petit bluff de rien du tout, c'est faire croire. En demandant deux cartes, en faisant une fausse demande, donc c'est faire croire que j'avais un brelan. Bon, ça, c'est un premier petit bluff. Sans moi. Des fois même, en voulant feinter quelqu'un, on se fait feinter des fois. Parce que si vous tombez sur un boxeur qui est lucide et qui a droit, il dit tiens, il m'a feinté une fois, il ne me feintera pas deux fois. On pouvait le faire à un niveau plus grand, par exemple, en n'ayant rien du tout et en demandant une carte pour faire croire que je tente une suite ou une couleur ou une canne flush. Ça, c'est des petits bluffs. Quand donc il va falloir parler, le bluff monte de degré parce que si je veux continuer mon petit bluff de départ, bon, bah, il faut que je me comporte comme si j'avais un brelan. Donc ça, c'est un bluff à un niveau plus haut. 3. Le plus gros coup de bluff, c'est d'avoir en main une quinte flush et d'annoncer une paire de 7. Nathalie Cerda, auteure, comédienne. Il y a l'avant-match, c'est vrai. Il y a l'avant-match qui se fait la semaine avant le combat. Mais au moment où le boxeur est au vestiaire, il ne pense qu'à se concentrer. Mais quand ils sont concentrés pour le combat, on les voit, ils sont calmes, relax. Mais souvent, vous avez des garçons qui ont besoin de travailler beaucoup avant de monter sur un ring pour se motiver eux-mêmes. Mais en fait, le véritable bluff, donc, c'est de décider à un moment psychologique de la partie, donc, puisqu'une partie dure très longtemps. Moi, j'ai pu jouer 12 heures, 15 heures, donc sans s'arrêter. Une journée entière. Presque. Il ne faut pas quand même oublier que le poker, c'est pour échapper au temps. Deux cartes. Trois. Moi, je me souviens qu'après avoir joué 12 heures ou 15 heures, j'avais l'impression que je venais de commencer. Donc ça, c'est une impression folle. Et donc, tu as envie d'en jouer encore 15. Quoi. Donc c'est vraiment une fuite du temps réel. Et puis en plus, comme ça se passe dans un endroit obscur, avec une lampe qui cache les visages, parce qu'il ne faut pas lire sur les visages, donc on voit que le bas des visages, on voit que les bouches, en fait. C'est vrai que souvent, il y a des boxeurs qui n'expriment pas beaucoup, ils ne s'expriment pas, et pour les médias, ils disent « bon, ben, c'est pas un garçon médiatique, parce qu'il n'est pas fanfaron, il ne se vante pas, il ne fait pas des déclarations fracassantes ». Et vous avez des garçons qui font des déclarations fracassantes, souvent pour se remonter le moral eux-mêmes. Fanfaron. Une seule des propositions, vraie ou bluff, est fausse, laquelle? Pendant le crack de 29, un Américain ruiné inventa le Monopoly. Vrai ou bluff? Donc il n'y a que les mots techniques quoi, qui sont dits, sans moi... Le temps, plus 300, pourvoir. Une paire d'as. Très bien joué. Très bien joué. Alors donc, à un moment, la tension atteint un certain degré. Donc, le bon joueur sait que il est plus fort. Enfin, il voit bien qu'en face de lui, il y en a un qui est en train de s'écrouler. Donc, à ce moment-là, il décide. Et c'est ça, le véritable bluff. Hein. Mais très peu de gens sont capables de le faire. Il décide d'un jeu qu'il aura le coup d'après, qu'il ait n'importe quel jeu. Il va demander une carte, comme s'il tentait une couleur, et après il ne va pas regarder ce qui lui rentre. Et il va jouer comme s'il avait une couleur. Donc le réel est totalement nié. Mais vous savez, dans la boxe, des fois, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, c'est peut-être le plus scientifique et le plus intelligent, parce que souvent, la technique et l'intelligence priment sur la force et la vaillance. Un garçon qui débute dans la boxe n'a pas dans l'esprit d'intimider son adversaire en le regardant ou en faisant les choses comme on voit souvent dans les films. Vous savez, ça existe aussi. Bon, il y en a qui ils essayent d'imiter, mais ça ne prend pas toujours. Ça ne prend pas toujours. Donc, j'avais 4 cœurs. Donc, j'ai demandé une carte pour tenter la couleur à cœur et j'ai mélangé la carte qui était arrivée avec les autres. Donc, je ne sais pas où elle est. Et donc, en tenant les cartes d'une main et avec le pouce de l'autre... Je fais bouger les cartes pour les voir apparaître petit à petit. Donc j'ai le droit de le faire puisque j'ai dit le temps. Et tu vois, je vois 5 rouges. Alors, tu vas à la limite, tu vois. Et tout doucement. Et là, tu vois que tu as un carreau. Donc tu as tout raté. Et dans l'instant, il faut dire plus 5000. Plus 5000. Aux côtés de Ludwig van Beethoven se trouvait un seau d'eau glacée. Le compositeur y plongeait régulièrement la tête quand il estimait que son esprit prolixe était surchauffé. Vrai ou bluff ? Il y en a beaucoup qui ne se fixent pas. Ils touchent les gants et ils regardent par terre. Quand ils se fixent dans les yeux, c'est que c'est deux garçons qui ont quelque chose à vouloir prouver. Ils veulent dire, tiens, tu ne fais pas peur ou un truc pareil. Vous voyez, ça arrive, ça. Ça arrive. Dans ce bluff au plus haut degré, tu n'as pas regardé ce qui t'était rentré. Tu n'en as pas besoin. Puisque tu as décidé dans la relation psychologique entre les gens qu'il fallait faire ça à ce moment-là. Donc tu as imposé un réel qui n'est pas le réel. Tu as imposé que tu avais 5 heures. Peut-être tu les as d'ailleurs, peut-être tu les as pas, peut-être tu as un carreau, peut-être t'as... Enfin si, tu as quand même vu que tu avais du rouge. Mais par exemple, tu aurais vu que tu avais du noir, c'était la même chose, tu aurais fait tes 5000. Là, tu sais absolument pas ce que tu as. Et tu joues comme si tu avais 5 heures. Pourquoi le lièvre ne rattrape-t-il pas la tortue ? Oui, pourquoi ? Jean, lui, il a des excuses. Jean ? Oui, Jean de La Fontaine. Oui, oui. Hein, Jean, lui, il a des excuses. Il donne au lièvre une âme. Mais si... S'il ne rattrape pas la tortue, c'est qu'il a mieux à faire que de lui courir après. Il vit sa vie. Et voilà. Et notre brave tortue avance lentement jusqu'au but. En médecine, je pense qu'il y a une pathologie, mais on n'utilisera pas le terme de bluff, mais plutôt le terme de simulation. Il y a d'une part l'aspect de l'hystérie au sens large, et une pathologie que l'on peut étiqueter simulation proprement dite, c'est-à-dire des gens qui sont conscients du fait qu'ils simulent. Le plus gros coup de bluff, c'est celui des croque-morts qui mettent du rose aux joues des cadavres. Anne Morel, médecin. Récemment, à l'hôpital, a été hospitalisé un patient qui est un ancien CRS, qui était un homme d'une quarantaine d'années. C'est un patient qui, lorsqu'on l'a vu à l'hôpital, était incapable de marcher tout seul. Dès qu'il se mettait debout, il ressentait d'une part des douleurs et d'autre part un malaise général, un petit peu comme une forte crise d'angoisse. Il était couvert de sueur et il tombait. Il n'y avait aucun support physiologique. Mais bien sûr, lorsque l'on voit pour la première fois ce type de patient, le but du médecin est de toute façon de rechercher une organicité aux symptômes. Devant l'absence d'organicité, il faut s'intéresser à autre chose. Un verger produit autant de pommes que de microbes et de bactéries. 10 tonnes par hectare. Vrai ou bluff ? C'est-à-dire, moi, je pense qu'il doit rester calme, serein, même si on le fixe méchamment. Il doit être avec des yeux malins, des yeux fourbes, en disant « tu me regardes, mais ça ne me dérange pas ». Le problème de l'hystérie, c'est qu'elle demande une subjectivité de la part du médecin. Autrement dit, au lieu de regarder, comme dans le cadre d'une méthode anatomoclinique, le patient comme étant un être souffrant, et cette souffrance étant liée à des lésions organiques, là, il faut être totalement subjectif et accepter qu'un patient puisse présenter des symptômes sans être malade. Désirant vérifier la thèse selon laquelle l'intelligence de l'homme est due à l'opposabilité du pouce, le biologiste américain James Kippack se fit greffer en lieu et place de son auriculaire de la main droite le pouce de sa main gauche, obtenant ainsi une main à deux pouces avec une double opposabilité. Le biologiste teste depuis 1986 son QI qui reste désespérément fixe à 105. Vrai ou bluff ? Lors de la première représentation de Péléas et Mélisande, Golo dit à Mélisande « Je ne suis pas heureux ici ». Et le public de répondre en chœur « Nous non plus ». Vrai ou bluff ? Le problème suivant est celui, d'une part, de faire comprendre au patient qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente, et d'autre part surtout, de l'aider et de le guérir si possible. Alors ça, c'est un type de bluff que l'on rencontre souvent, en particulier après accident du travail. Le plus gros coup de bluff, c'est l'épanouissement professionnel. Sandrine Lancrenon, 23 ans, en stage professionnel. Ça nous est arrivé plusieurs fois, même au championnat du monde, une fois, on a eu Lucien Rodriguez qui a boxé l'Arium, ça allait, on se le regardait d'une façon comme s'il avait le bouffé. Hein, et puis l'autre était calme, il le regardait, puis il a baissé les yeux, et il a fait un championnat du monde. Si vous lui dites au boxeur, tiens, fais ci, fais ça. Non, il faut le mettre dans une ambiance sereine, et en lui disant, voilà, si le gars te fixe comme ça, s'il te bluffe, fais attention, s'il te baisse les mains, il te fait des singeries, ne tombe pas dans le panneau. Ce qui est propre à l'hystérique, c'est que fréquemment, la pathologie présentée par le patient hystérique est une pathologie d'imitation, c'est-à-dire on retrouve dans l'entourage du patient quelqu'un qui a présenté effectivement soit un déficit, une faiblesse de tout un côté, soit un déficit des deux membres inférieurs. Et le patient hystérique se sert de cette personne pour imiter la pathologie. Il la mime, exactement. Et alors très fréquemment, ce mime n'est pas parfait. Et pour le médecin, pour un médecin en particulier en neurologie, on voit beaucoup ce type de patient, on est habitué à gérer un petit peu ce type de problème et à mettre en défaut la paralysie présentée par le patient pour pouvoir dire à la fin ce n'est pas une paralysie pathologique. Si je puis dire. C'est vrai qu'un match de tennis dure très longtemps et entre la fatigue et le bluff, ça réussit. Le mot tennis est un mot d'origine française. Courtoisement, les joueurs du jeu de paume, avant de servir, lançaient à leur partenaire « Tenez ». Vrai ou bluff ? Zénon, lui, il en a pas. Oh non. d'excuses, Zénon. Zénon? Bah, Zénon, oui, non. Ah, Zénon, oui. Zénon Délé. Zénon Zélé, oui. Non, Zénon Délé, un philosophe grec. Il cherche à démontrer que le mouvement est impossible. Ainsi, selon Zénon, si la tortue dispose d'une avance quelconque, elle ne pourra jamais être rattrapée, même par le plus performant des marathoniens de l'époque, un certain Achille. Si la tortue a une petite avance quand Achille arrive au point de départ de la tortue, elle est partie, juste un peu devant, et elle arrive en un nouveau point. Rien à redire, et ensuite... Ensuite, même chose. Achille court, et arrivé à ce nouveau point où était la tortue, idem, elle est encore partie, et ainsi de suite. C'est clair. Bien. La différence du bluffeur et de l'illusionniste, on bluffe les gens comme une expression, c'est-à-dire on dit « Oh, j'ai été bluffé par un magicien formidable ». En même temps, c'est pas son métier, c'est pas bluffeur, puisque c'est illusionniste. En même temps, ça fait partie de son métier de bluffer les gens. Il y a des gens dont la technique, dont le cerveau est resté simple en illusion, et puis le bluff passe pas. Pour eux, il n'y a rien, quoi. Mais qui volent, bon bah ils volent, alors hop, leur pensée est tellement simple qu'ils vont trouver la solution, pourquoi ils volent, pourquoi on l'a coupé en deux, donc du coup il n'y a plus de bluff puisqu'ils ont compris le truc. Dans Lohengrin, Lohengrin monte sur un cygne et s'envole. Lors d'une représentation, le machiniste tira prématurément sur le fil et le cygne seul s'envola, laissant tristement à terre le héros. Ce dernier se tourna vers le public et dit « À quelle heure part le prochain cygne ?» Vrai ou bluff ? Picasso disait qu'il savait également peindre des faux, Picasso. Dans ces conditions, est-ce que Trubetskoy peint des originaux ? Non, on ne peut pas peindre de tableaux originaux dans la mesure où le seul peintre qui puisse vraiment bien peindre des tableaux originaux, c'est l'artiste lui-même. Nous, notre travail, c'est l'illusion visuelle du tableau. C'est-à-dire que nos clients viennent chez nous nous demander un tableau qu'ils aiment particulièrement, qu'il soit dans leur collection, qu'il soit dans leur famille, qu'il soit dans un musée. C'est autant pour bluffer que pour se faire plaisir. Oui. C'est pour bluffer en même temps que de se faire plaisir. Ils oublient que c'est une réplique. Ils oublient que ce n'est pas l'original. La plupart de nos clients ont des tableaux originaux. Il ne faut pas penser que les gens qui achètent des répliques sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que des originaux. Bien au contraire. À partir du moment où tu comprends le truc de quelque chose. Le joueur de poker, c'est pas un illusionniste, c'est un joueur de poker. C'est quelqu'un qui va jouer avec de l'argent, qui bluffe sur ce jeu. C'est-à-dire que lui, le bluff, il va être pour le poker, pour le joueur de poker. Après, l'illusionniste, lui, s'il se met à jouer au poker, c'est un tricheur. C'est plus un bluffeur, c'est un tricheur. Alors ça peut être un tricheur bluffeur. Et en plus professionnel joueur. C'est trois catégories en fait hein, pour moi. Avec le son, on bluffe finalement assez souvent, mais j'ai l'impression qu'on s'en rend moins compte. On s'en rend mieux compte à l'image et je pense que... On a moins souvent la sensation qu'on a bluffé avec le son. Pour les protéger du gel, Carl Philippe Emmanuel enveloppait soigneusement ses poires dans les cantates de son célèbre père. Vrai ou bluff ? Ceux qui viennent nous demander un tableau précis, évidemment, ils vont nous demander en général des tableaux plutôt célèbres, parce que c'est les premiers qui leur viennent à l'esprit. Il y a des tableaux qui sont plus difficiles ou plus ennuyeux que d'autres. C'est vrai qu'un Seurat, pour nous, c'est un travail épouvantable. Faut refaire tout en petits points, c'est un travail énorme. Il y a des peintres qu'on craint techniquement, comme par exemple Renoir, parce qu'on sait que Renoir diluait énormément sa peinture à l'huile, qui était transparente comme de la gouache, et on voyait toujours dessous l'impression de la toile, une espèce de toile lumineuse, et c'est difficile, cette sensation est difficile à rendre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un officier allemand visitait l'atelier du maître. Voyant Guernica, il demande au peintre « C'est vous qui avez fait ça ?» Picasso répondit « Non, c'est vous. » Vrai ou bluff ? Le poker doit faire illusion sans manipulation, sans technique réellement approuvée de base magique, je dirais. Sans tricher ? Voilà, sans tricher. Nous avons le droit, puisque nous partons d'un document photographique, nous sommes sur la législation de la photographie, et nous avons le droit de reproduire le tableau dans son intégralité, à condition justement de mettre le tampon. Ça nous permet de, surtout pour les tableaux originaux qu'on nous apporte, de faire la même dimension, parce que les gens veulent remettre la réplique dans le cadre original pour, alors là, complètement pour bluffer. Ça veut dire que quand les gens nous demandent de refaire leur tableau original parce qu'ils le mettent au coffre ou qu'ils le vendent, là, la première chose qu'ils nous demandent, c'est de faire complètement illusion. Ça veut dire que leurs amis croient que c'est toujours l'original. Est-ce qu'on imite plus facilement le carré blanc sur fond blanc de Malevitch ou le printemps de Botticelli ? Alors, le carré blanc sur fond blanc de Malevitch, je pense que ce serait totalement impossible. À la limite, plus difficile à reproduire que Botticelli, tout simplement. Pourquoi ? Parce que Malevitch, lui, il fait une toile qui peint en blanc. Et cette peinture, elle a 50 ans. Et un blanc de Malevitch, qu'est-ce qu'il a mis dans son blanc, Malevitch ? Il a mis une couleur, certainement, un jaune, un crème. C'est pas un vrai blanc, c'est pas un blanc pur. Et cette couleur-là a pris 50 ans, c'est-à-dire 50 ans de poussière, de chauffage, d'humidité, et c'est plus un blanc. Et on peut, il n'y a pas de couleur pour ressembler à un blanc qui lui-même a dû être coupé et qui a pris 50 ans d'âge. Le tricheur, lui, il a besoin d'être plus fort dans un regard, d'être plus fort quand il pose ses cartes, de les poser de telle façon, de faire attendre à tel moment, parce que c'est en fait une somme d'argent. Donc là, c'est de l'argent qui est mis en jeu, en fait. Donc ça devient, le bluff devient facile par rapport à l'argent, en fait. Dans l'audiovisuel, il y a des tentatives qui ont été faites, d'ailleurs au Centre Bourdan, par l'équipe de Schaeffer, de mesurer un peu l'interaction entre l'image et le son pour voir comment, par exemple, des petits pois posés sur un tambourin qu'on agite, qu'on enregistre le son résultant, ça se transforme en un orage épouvantable si l'image montre des arbres sans feuilles filmés avec une caméra qui bouge un petit peu, alors qu'il y a ni vent, le ciel est bleu en fait derrière les arbres. Et l'association des deux fabrique un orage parfait en audiovisuel. Et si on sépare l'image du son, tout rentre dans l'ordre. Le ciel redevient bleu derrière les arbres et les petits pois réapparaissent dans le tambourin. Wilhelm Friedman était l'enfant terrible de la famille Bach. Ainsi, il vendit au poids les plaques de cuivre ayant servi à l'impression originale du clavecin bien tempéré. Vrai ou bluff ? La chose la plus difficile pour nous dans un tableau, c'est tout ce qui saute aux yeux. Or, un tableau monochrome, ou avec très peu de couleurs, le moindre quart de ton saute aux yeux. Un tableau qui a des centaines de détails de couleurs différentes, l'œil se perd dans tous ces détails, donc il aura moins de possibilités de juger de la différence entre chaque point. Je suis persuadé que si on fait les deux tableaux d'après les originaux devant les yeux, je suis persuadé qu'à 3 mètres, les gens s'apercevront plus de la différence entre notre réplique et le Mondrian, ou le Malevitch, ou le Stahl, ou le Polyakov, quand il est monochrome, que sur un tableau qui a des centaines de détails comme Botticelli, ou Monet, ou Rembrandt, ou Watteau. L'œil se perd sur 50 couleurs et sur peut-être 400 touches. Alors qu'un tableau monochrome, il voit tout de suite la différence d'un quart de ton. Aucune couleur n'est basique à partir du moment où elle a 50 ans. Une couleur qui a 50 ans ou 70 ans, elle a vieilli et elle n'est plus du tout basique. Le rouge que Vlaminck ou Derain ou Dufy ou Marquet, tous ces peintres quand ils étaient fauves, ont fait, n'a rien à voir avec le rouge que vous mettriez maintenant. Un type m'a dit un jour, je te parie que j'ai plus de ronds que toi dans ma poche. Moi, j'ai pas été bluffé. Je me suis dit, tiens, c'est drôle comme jeu. J'ai pas été bluffé puisque j'en ai compris la technique. Je me suis dit, attends, c'est lui qui donne la règle. Lui, tu vois, c'est facile aussi comme ça de jouer. Un jour, tu prends 5 briques dans ta poche et tu dis à un pote, tiens, je te parie que j'ai plus de ronds que toi dans ma poche. Tu vois, c'est un truc. C'est là, c'est pas vraiment du bluff. En même temps, c'est du bluff. En même temps, c'est une tricherie de base aussi. Les cornflakes sont une recette des frères Kellogg's. Cette recette était destinée à nourrir leurs 14 autres petits frères et sœurs qui, affamés, habitaient avec leurs parents une cabane de bûcherons au fond d'une forêt du Michigan. Vrai ou bluff ? Puisque l'eau y bout à 72 degrés, il est quasiment impossible de faire cuire des pâtes en haut de l'Everest. Vrai ou bluff ? Gratin de citron séché à la chinoise. Prendre 2 citrons desséchés et les tremper 1 heure dans 1 litre d'eau parfumée de 2 grosses cuillères à soupe de rhum et d'une grosse cuillère de vinaigre de riz. Pendant ce temps, battre 6 œufs en neige et y adjoindre 1 cuillère à café de gingembre râpé. Salé et poivré selon votre goût. Coupez en fines lamelles 2 petites gousses d'ail que vous réservez dans le bac à glace de votre réfrigérateur. l'heure écoulée, éplucher les citrons marinés, les couper en tranches assez épaisses et les disposer dans un plat allant au four. Couvrir de la préparation à base d'œufs en neige et laisser cuire au four 30 bonnes minutes. Vous n'obtiendrez rien. Surtout, n'oubliez pas de retirer l'émincé d'ail du bac à glace de votre réfrigérateur. Le film en IMAX 3 dimensions qui est réalisé par Jean Lacanau aux États-Unis. Il y a des hôtesses dans la salle et on prévient les spectateurs de lever la main si jamais ils ont la sensation qu'il se passe des choses anormales pour qu'on vienne s'occuper d'eux. Parce que le bluff est peut-être allé un petit peu loin. Il y a une procédure. Si le fauteuil se dérobe sous vos fesses, il faut revenir sur Terre. Donc devant cette pantomime, quelles sont les attitudes possibles du praticien ? Plutôt spectateur, plutôt metteur en scène ou plutôt régisseur en coulisses ? Un, être sûr de l'absence d'organicité chez le patient. La deuxième chose, c'est que une fois établie la non-organicité des symptômes, il faut arriver à trouver un abord du patient. Par exemple, en prescrivant un placebo par perfusion intraveineuse, chaque jour en expliquant au patient « mais ça va de mieux en mieux » et en le renforçant dans le fait que les choses vont s'améliorer. C'est-à-dire que le médecin admet comme vrai quelque chose qui est faux. Absolument. Et de façon à en tirer un geste thérapeutique. Absolument. Proust, asthmatique et qui sortait peu, se fit installer une ligne de téléphone dans le but unique d'écouter au moyen de ce procédé original l'œuvre de Debussy. Vrai ou bluff ? Il y a une espèce de leçon de mixage de cinéma ou de réalisation au niveau du son que j'utilise souvent comme exemple pour essayer d'expliquer que finalement la force du son dans la salle de cinéma, c'est quelque chose de complètement relatif. D'un côté, très très loin de là, il y a eu un réalisateur qui a voulu que le son soit faible ou fort, mais en fait, il est complètement prisonnier du projectionniste, parce que c'est le projectionniste dans la salle de cinéma qui a le bouton de réglage. Et pour la télévision, c'est encore mieux, c'est le spectateur final qui a le bouton de réglage, et c'est lui qui est maître de la chose. Et l'exemple de E.T., où le film commence avec une musique ronflante et à l'image, en même temps, on voit les bois de pin californiens, les enfants se promènent avec leur VTT dans les bois. Ça fait une très belle image, on a envie de mettre la musique très fort. Et je me suis demandé, en allant voir le film, comment ça se fait qu'il y avait autant de rayures, autant de bruit de fond sur tout ce début. Et puis, derrière un buisson, un gamin tombe sur E.T. et pousse un hurlement de frayeur. Les deux, E.T. et le gamin, poussent un hurlement épouvantable. Et évidemment, le projectionniste a réglé le son sur la force de la musique qui ronfle bien et l'a mis très fort. On a envie de l'entendre, cette musique. Et du coup, Lucas a réussi son coup parce que quand E.T. se met à crier, c'est vraiment très très fort cette fois. Et c'est vrai que on a bluffé ce projectionniste, aussi bien d'ailleurs que le téléspectateur qui aura le même réflexe à la maison. Il a remonté le son de la télé pour entendre la musique. Et grâce à ce bluff, E.T. arrive dans la pièce en chair et en os, on pourrait dire. La mère de Mozart mourut à Paris. Le jour de cette mort, Wolfgang écrivit la plaisanterie musicale qui groupe en une seule pièce tous les interdits de la composition. Vrai ou bluff ? De La fugue du chat de Scarlatti n'est pas du compositeur, mais de son chat, qui affectionnait particulièrement les promenades sur le clavier. Vrai ou bluff ? L'une des caractéristiques des manifestations hystériques, dans l'hystérie maladie, ce sont les manifestations spectaculaires. Alors vous avez l'anesthésie hystérique, c'est la personne qui perd complètement la sensibilité d'une partie de son corps. Alors, ce qui fait évoquer au médecin l'anorganicité de cette manifestation, c'est que la droite passe exactement au milieu du corps, c'est-à-dire sur l'arête du nez. Il y a un côté de l'arête du nez où la patiente ne va rien sentir, et de l'autre côté où elle va sentir quelque chose. Et ça, c'est de la science-fiction pour un médecin. Et ça, absolument, c'est de la science-fiction, parce que l'innervation du corps fait que ça se croise toujours et qu'il n'y a jamais une hémi-anesthésie aussi tranchée que ça. Si par exemple vous me dites j'ai mal au dos, moi je ne sais pas ce que c'est. Je dis d'accord, vous avez mal au dos, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Le médecin là-dedans, de toute façon, a priori, dans sa démarche, le patient a raison. Le patient ne lui ment pas. Donc, dans ces hémi-anesthésies hystériques, et les patients vous piquez, et même vous pouvez faire même des choses un peu plus monstrueuses, les patients arrivent à contrôler jusqu'à un certain degré leur douleur. Au début du sens stéréophonique au cinéma, où exactement comme au début de la couleur, tout le monde avait des cravates multicolores, et dans les films, et à la télévision surtout, ça s'est beaucoup vu, au début du sens stéréophonique, tout le monde faisait bouger le son dans tous les sens pour bien profiter de la nouvelle technologie. Et dans La guerre du feu, il y a un exemple rigolo, où les hommes... Les cavernes sont dans un abri sous roche et ils ont construit un système avec une broche sur des braises et ils sont en train de faire rôtir une bête assez difficile, à savoir ce que c'était, qui est là autour du feu, et ils sont là autour. Et dans la salle de cinéma, alors que cette scène se déroule à l'écran, on entend sur la gauche des craquements de branchages très très violents. Et moi j'étais placé à la droite par hasard. Et j'ai fait comme tout le monde, je me suis retourné vers le côté gauche de la salle au bruit des branches écrasées, et j'ai vu une salle entière en train de regarder le mur. Bon, ça prend un moment avant de se rendre compte qu'il n'y a rien sur le mur, qu'il n'y a plus d'image, et il faut réaliser qu'il faut reprendre ses esprits. Tiens, on est toujours dans une salle de cinéma, on n'est pas avec ces braves hommes des cavernes. Et on revient sur l'écran, et à ce moment-là, le bruit reprend instantanément sur la gauche. Et en fait, à l'écran, il n'y a plus le rôti sur la broche. Comme moi, j'étais sur la droite de la salle, j'avais toujours un petit bout d'écran dans le coin de l'œil, ce qui m'a permis d'apercevoir le loup qui rentre subrepticement par la gauche, qui emporte le rôti et qui repart par la gauche. Ce qui fait que le bruit continue à gauche une fois qu'il est reparti. Mais je suis sûr que la moitié gauche de la salle n'a jamais su pourquoi le rôti avait disparu. Parce que à la place du loup, ils ont vu le mur, quoi. Et ça, c'est une erreur de réalisation, puisque le son, cette fois, est sorti de l'écran. L'image était trop large. Et les spectateurs ont été largement bluffés par ce phénomène de localisation, où on a tendance à recentrer les choses sur l'écran. Et malheureusement, c'était pas le but recherché par le réalisateur de les bluffer à ce sujet-là. Sauf si, éventuellement, il avait quelque chose dans son film qu'il voulait pas qu'on voit sur l'écran à ce moment-là. fromager de Mendelssohn s'étonnait d'une consommation démesurée de fromage de son célèbre client. En fait, ces derniers étaient emballés dans des cantates de Bach. Et ainsi, au prix d'effroyables indigestions, le célèbre compositeur réhabilita toute une partie de l'œuvre de Jean-Sébastien. Vrai ou bluff ? Charcot, qui exerçait dans cet hôpital, avec les hystériques, il les poussait dans l'escalier. C'est ça ? Soit il tombait et se fracturait les os et c'était pas un hystérique, soit il se rattrapait et c'était un hystérique. Alors il prenait les gens dans leur fauteuil, dans leur fauteuil roulant, il les poussait. Le plus gros coup de bluff, c'est la vie. Périne Rouillon, dessinatrice. Considérons un marathonien, disons que par définition, et hors définition même, admettons comme vrai la proposition évidente suivante. Un marathonien va plus vite qu'une tortue. Mais c'est d'une telle évidence que ce problème ne devrait même pas se poser. Mais ce Zénon d'Élée est un bluffeur, un usurpateur, dont le paradoxe n'est qu'une apparence. Continuons. Je dirais même que ce paradoxe tendrait à induire l'idée hautement farfelue que le mouvement n'existe pas. Pas si vite. Reprenons. Or donc, considérons un marathonien, le marathonien standard. Je dis standard car même un marathonien standard devrait aller suffisamment vite pour rattraper la tortue. Tu dis la tortue, mais tu aurais pu aussi bien dire une tortue. Exact. Une tortue. Dans le sens où, considérant n'importe quelle tortue, même parmi les plus performantes, elle ira toujours et notablement moins vite que le marathonien. Qu'un marathonien, on peut dire sans trop avancer que n'importe quel marathonien ira plus vite que n'importe quelle tortue. Exact. Alors disons consensuellement qu'un marathonien irait, et ce, dans tous les cas de figure, celui d'Élée, d'Athènes, de Mycène, de Sparte, de Sucy-en-Brie ou de Romorantin. Écoute, cette histoire a séduré. Moi, je veux dire, même un unijambiste irait plus vite qu'une tortue. Mais où veux-tu en venir ? Continuons le raisonnement. Après, prends un unijambiste. Fais-le entraîner par Ben Johnson. Tu vois qui est Ben Johnson ? Oui, et alors ? Alors dope-le. Ben Johnson, encore ? Non, l'unijambiste. Tu vas doper un unijambiste ? Mais laisse faire. Dope-le. Vitamine. En fait, tout ce que tu veux. Entraînement tous les jours. Musculation. Anabolisant même. Eh bien, même dans ce cas, un unijambiste standard, asthmatique, avec une bronchite et même la mucoviscidose. Il lui met une torchée. Oui, avec des palmes, tant qu'il y est. Des palmes. Oui, avec des palmes et un tuba version Cousteau. Reprenons le raisonnement. Carte. Une carte. La même. Moi, j'ai pas vraiment joué au poker des grosses parties, parce que d'abord, quand je triche, je rougis, alors que quand je suis magicien, je reste blanc. Moi, je sais que le bluff, c'est un cap à passer. Alors, ça sert partout, le bluff. Il est utilisé partout. En fait, si on parle du bluff, c'est un truc qui sert partout. Tu peux nier absolument ce qui t'est rentré. Tu n'en as pas besoin, puisque tu as décidé de jouer d'une manière précise. Donc, à ce moment-là, toi, tu ne sais pas ce qu'il y a, les autres ne le savent pas, mais toi, tu as décidé qu'il y avait 5 cœurs. C'est quand même mieux qu'un illusionniste, parce que tout le monde le croit. Tout le monde croit qu'il y a 5 cœurs. Et tout le monde se comporte comme ça, puisqu'en fait, tu gagnes. Et que les types, là, ils ont perdu pas mal d'argent et qu'ils n'osent pas aller voir. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que toi, tu ne sauras jamais s'il y en avait 5. Le bon joueur qui va bluffer à ce niveau-là, il le fait à un moment où il est pratiquement sûr, d'après le comportement de tout le monde, au bout de 10 heures de jeu, il est sûr de le faire au moment où il faut, et donc que ça marchera. Deux. Par exemple, il le fait quand il parle en dernier. Donc en face, il a vu le comportement de tout le monde, il a jugé que tout le monde avait ça et n'avait pas de corée, n'avait pas de choses importantes, et avait peut-être un brelan, avait peut-être une paire. Il l'a jugé à la manière dont étaient les gens, donc il sait qu'il peut faire son bluff à un niveau supérieur, d'une combinaison supérieure, et que tout le monde se couchera. Le plus gros coup de bluff, c'est mon père ayant enfin de l'humour, la veille de sa mort. Jean-François Swingdo, animateur culturel. Si on disait le bluff, nous, on appellerait ça une feinte. Quand tu fais ton tour de magie, t'as une première chose que tu fais normalement, qui en fait n'est pas le tour, où il n'y a pas de passe magique, et qui va faire que la personne enregistre en fait ça dans son cerveau. Elle a vu un geste, un mouvement, te déposer une balle dans la main, tu l'as pris, tu l'as posé dans la main, tu l'as repris dans ta main. Ça s'appelle une feinte. Alors on va dire qu'on le bluffe, parce qu'en fait, cette feinte va servir en fait après à faire le tour de magie. Quelqu'un est à table, on va prendre un petit morceau de sa serviette, par exemple. Un petit morceau de la serviette en papier, on en fait une petite boulette qu'on montre sous les yeux de cette personne, à 60 cm des yeux. La petite boulette entre la main droite, entre l'index et le pouce, qu'on pose dans la main. Et là, il y a justement une feinte, c'est-à-dire qu'on pose réellement la boulette dans la main gauche, donc, et qu'on montre fermée cette main contenant la boulette. Et là, la personne, vous lui demandez gentiment où est la boulette. Et cette personne va vous répondre dans la main droite ou dans la main gauche, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent directement que j'ai triché, alors que je n'ai pas triché, j'ai fait qu'un simple dépôt dans la main gauche. Et elle y est. Et elle y est. Et cette personne va me dire la main droite ou la main gauche. Je montre bien qu'elle est dans la main gauche, qu'il a raison ou qu'il a tort. Je reprends cette boulette, je fais exactement le même mouvement, la même chose. Je referme la main et je redemande où est cette boulette. Et en fait, cette boulette a disparu, c'est-à-dire qu'elle est ni dans la droite ni dans la gauche. Il est vrai que la personne n'a rien vu, ne peut rien voir. Et après, on peut grossir, c'est-à-dire que cette boulette va devenir de plus en plus grosse. On prend la nappe, on finit la nappe avec une grosse boulette, on prend la grosse boulette. Et là, la grosse boulette, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la tenir dans la main, on ne peut plus serrer la main dessus, et elle disparaît pour l'œil de cette personne. Ensuite, on peut prendre l'assiette. Si on a un compère dans la salle, on peut très bien prendre l'assiette et faire disparaître l'assiette sous les yeux de cette personne. Ce qui devient une aberration, puisque je ne peux même plus mettre une assiette dans ma main, je ne peux plus fermer la main dessus. Mais elle ne disparaît que pour cette personne, pas pour les voisins. Elle ne disparaît que pour cette personne. Les autres, ils sont bluffés, encore une fois, par cette personne qui, elle, ne comprend pas, en fait, et non pas par le tour, parce qu'en fait, il n'y a rien de bluffant. Un vrai joueur de poker professionnel, dans une partie de 15 heures, il va peut-être bluffer réellement 4 fois. C'est 5 pour voir. Mais c'est ces 4 fois qui vont lui permettre de ramasser le maximum. Une paire d'as. Très bien joué. Très bien joué. Les fois d'avant, il aura fait des faux bluffs pour se faire découvrir. C'est-à-dire qu'il aura fait des choses énormes. Il leur a fait croire, par exemple, qu'il avait un full, bon, il avait une paire, il leur a demandé 3-4, et il va relancer trop, de manière malhabile, et en face, où il y a quand même un qui n'est pas très malin, mais qui va se dire, non, quand même, il a relancé trop, et tac, il va suivre, et il va voir qu'il n'avait rien. Chaque fois que je vois un magicien, je suis bluffé, parce que j'aime mon métier, parce que j'aime ce qu'ils font, parce qu'à chaque fois, j'ai l'illusion, c'est-à-dire que j'y comprends rien, comme un pataquès, et en plus, les magiciens ont des tours pour les magiciens. Ce qui fait qu'ils te perdent encore plus, parce que toi, tu sais comment ça marche, ce tour. Ça fait 30 ans qu'il est fait comme ça, ce tour de magie. Tout le monde le fait comme ça. Pof, là, il y en a un petit, petit jeune, tiens, il trouve un nouveau truc pour faire exactement le même effet. Ça fait la même chose, sauf qu'il ne le fait pas comme depuis 30 ans qu'on le fait. Ben, moi, je suis bluffé, je ne comprends rien. Je me dis, attends, comment il a fait? Ben oui, non, mais il n'a pas fait ça comme ça. Donc, puisque je connais le tour, quand je vais le regarder, je regarde aussi sa technique. Alors, je suis bluffé. Ouais, je suis bluffé. En 1846, Christian Schönbein, chimiste de l'université de Bâle, se livrait à des expériences dans sa cuisine. Un ballon où se trouvait un mélange d'acide nitrique et sulfurique se brisa. Comme il ne trouvait rien d'autre, il épongea le liquide avec le tablier de sa femme absente. L'ayant lavé, il le fit sécher devant son poêle. Quand il fut sec, le tablier explosa sans laisser de traces. Le chimiste venait d'inventer une nouvelle génération d'explosifs, le coton-poudre. Vrai ou bluff ? Matisse affirmait « Quand je n'ai plus de rouge, je mets du bleu. » Vrai ou bluff ? Le magicien, lui, il est... ça peut être un bluffeur, comme il y a des magiciens qui sont pas bluffeurs. Enfin, tu as des magiciens, le bluff, c'est un peu aussi mettre en valeur, c'est un peu... enfin, pour moi, c'est mettre en valeur. Pour préparer les vrais bluffs, il faut pendant quelques heures, 4-5 heures, en rater 2-3, pour pas être crédible. C'est encore plus complexe, parce qu'à un moment aussi, il faut avoir fait croire que c'était un bluff, mais ça n'en était pas un. C'est-à-dire, il faut en foirer quelques-uns au début de la partie, et après, par exemple, il faut se comporter de manière... Il faut faire une relance un petit peu trop grande, et l'autre qui avait vu que, bon, tu avais bluffé de manière un petit peu malhabile pendant 2-3 fois, il vient, mais là, tu as le jeu. Sans moi. En fait, il faut préparer pendant plusieurs heures... les vrais bluffs, par plusieurs bluffs ratés et des faux bluffs où tu as vraiment le jeu. Thank you. de Père Rosas. Pas mal. Et lui qui ne cesse de taper sur la table de l'index de sa main droite. Il ne le fait jamais. Hé, Roger. Roland. Foule. Moins 12 000. Je suis fait. Je peux plus me recaver. De Père Rosas. Plus 500. 500 plus 200. De Père Rosas. Un brelan. Un foule. Une simple paire de putes. 4 heures du matin. La nuit. 2 heures à jouer. Mais arrête de taper sur la table. S'il est nerveux comme ça, il a rien. De Père Rosas. Mais pourquoi a-t-il demandé une carte? Eh oh! Eh Roger, c'est moi qui bluffe. Eh, t'as entendu? Une paire habillée, sinon t'es fait, 7 fois la mise. Bien, je vais mettre mes cartes sur la table. Un groupe de 3, un de 2. Et ensuite, je croiserai les jambes. Et lentement, je poserai mes 2 mains à plat l'une sur l'autre. De Père Rosas. Je suis calme. Je respire normalement. Plus 1000. 1000 plus 500. 1000 plus 500. Je vais décroiser les jambes. Voilà. D'un geste précis, poser mon pied droit au sol, tourner légèrement la tête. Et reprendre mes cartes sans les regarder. Relâcher ma respiration. Je suis calme. 1000 pour voir. Pour voir quoi? D'autres manifestations typiquement hystériques, c'est par exemple l'amnésie complète. Ce sont des gens que vous voyez aux urgences ou en consultation qui vous disent « je ne sais plus qui je suis ». Le plus gros coup de bluff, c'est l'homme. Jean Bailly, ingénieur du son. Alors, ce sont des personnes qui ont tout perdu, c'est-à-dire jusqu'à la connaissance de leur propre nom, de leur date de naissance, toute leur biographie. Or, ce type d'amnésie n'existe pas en médecine, si ce n'est dans l'hystérie. On part d'un support photographique qui est ensuite reliefé, suivant les touches du peintre. Ensuite, on repeint entièrement le tableau à l'acrylique, en suivant les couleurs de l'Ecta, ou alors de l'original, si on a la chance de l'avoir. Photo, c'est quand même une chose très restreinte. C'est quadrichromie, donc souvent, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de nuances, Tout ça, c'est un peu fade, un peu terne. Et nous, on récupère tout ce qui manque. On rajoute la lumière, la matière. Tout ça, c'est pour avoir l'effet visuel le plus proche de l'original. Sur la première Joconde de Duchamp, qui avait pour titre L-H-O-O-Q, la Joconde avait des moustaches. Dans le second, plus fidèle à l'original, les moustaches ont disparu et le tableau porte le titre Rasé. La première version n'est pas le fruit du hasard. Le peintre prétendait à qui voulait l'entendre que le modèle de Léonard de Vinci était, au vu du résultat, un homme. Vrai ou bluff ? Une des choses qui est très courante aussi, que l'on rencontre beaucoup en neurologie, sont des mouvements anormaux, des paralysies un petit peu bizarres, ou des attitudes un petit peu bizarres de la main, ou un tremblement un peu curieux. Garder un symptôme demande une attention pour quelqu'un qui n'est pas malade. Or, en déjouant l'attention, à ce moment-là, vous pouvez faire céder le symptôme. Et tout le principe repose là-dessus. C'est-à-dire que vous essayez de mettre en défaut le déficit en dérivant l'attention de la personne. Vous lui faites calculer des calculs de plus en plus difficiles et au bout d'un certain temps, vous verrez que le tremblement disparaît, par exemple, si c'est un tremblement d'origine hystérique. Au musée de musicologie de Bruxelles, se trouve un taille-crayon destiné à tailler les phalanges des pianistes désirant faire passer leurs doigts trop gros entre les touches noires du piano. Vrai ou bluff ? Une admiratrice de Rossini lui demanda « Comment dois-je vous appeler ? Le roi des musiciens ? Le prince des poètes ?» Il répondit « Appelez-moi mon petit lapin. » Vrai ou bluff ? Ce qu'il faut bien comprendre, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la personne hystérique n'a pas conscience de sa simulation. Elle se trompe elle-même et elle trompe le médecin. Le simulateur, lui, ne se trompe pas lui-même. Il essaye de tromper le médecin. Il y a des loups dans un enclos qui disent jamais rien, ils sont parfaitement tranquilles. Et Harry cherchait à les enregistrer bien, donc il était venu au moment où on venait de leur donner à manger, il y avait des os, et sur la bande c'est même très impressionnant d'ailleurs la force du loup qui craque les os avec sa mâchoire, et dès qu'on approche un peu trop, il pousse un espèce d'aboiement rauque avec un souffle d'une force très impressionnante. Le fauve est bien là, à quelques mètres. Mais pas les hurlements qu'on a tous dans la tête, le hurlement du loup dans la neige du Canada. Et c'est ça qu'on cherche pour le cinéma. Même qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, finalement, c'est celui qu'on a dans la tête qu'il faut qu'on arrive à enregistrer. Alors, Harry va parler de ça au gardien, qui les connaît bien, et qui lui dit « Ah, mais attendez, moi je vais vous les faire hurler, vous allez voir. » Donc il revient avec le gardien qui commence à pousser des hurlements de loup extraordinaires à 50 cm du micro qui est en train d'enregistrer. Et puis ça met du temps. Puis c'est vrai qu'au bout de 5-10 minutes de hurlements de gardien, on entend de loin les loups qui prennent le relais avec des magnifiques hurlements de loup, les mêmes que les vrais du Canada, quoi. Et moi j'avais cette bande dans la sonothèque avant Sinacor. Et un réalisateur, un jour, vient chercher des hurlements de loup et je lui fais entendre tout ça. Et c'était clair, en lui expliquant. Finalement, après avoir entendu ceux de la fin, il me dit « Ah, mais ceux qu'on a entendus au début étaient bien mieux. » J'essaie de lui dire « Mais c'est le gardien. » Et il n'a jamais voulu me croire et il a pris le gardien. Et dans le film, c'est le gardien qui l'a monté. Un regard tourné plutôt vers le peintre, et on a souvent beaucoup de respect envers le type qui a peint la toile, quoi, en fait. Donc on pense plus du tout au photographe, au côté photo. Les copistes en général déforment beaucoup parce que c'est quasi impossible de faire identique à l'original, au dessin de l'original, tandis que nous, en utilisant ces dessins de la photographie, ensuite on peut repeindre en récupérant toutes les couleurs qui manquent et la matière. Il y a toujours recherche derrière ça, d'une indemnisation, d'une mise en invalidité, et des choses comme ça. On a vu des patients ici qui changeaient leur symptomatologie au fur et à mesure des patients qu'ils voyaient à côté d'eux. Par mimétisme. Fréquemment les gens sont dans des chambres à trois. Donc tantôt, le patient présentait une sémiologie parkinsonienne parce qu'il avait un parkinsonien à côté. Tantôt, c'était un syndrome cérébelleux parce que le patient en face avait un syndrome cérébelleux, et ainsi de suite. C'est le caméléon. Voilà. Le piano à chat est un piano dont chaque marteau est affublé d'un clou. À chaque enfoncement d'une touche, le clou pique violemment un des chats dont l'ensemble des miaulements compose la triste mélodie. Vrai ou bluff ? L'avantage de notre technique, c'est qu'on a un dessin 100% exact. On ne peut pas s'en échapper. Contrairement aux copistes. Et à partir de ce dessin, notre problème numéro 1, c'est la couleur. Et le problème numéro 2, c'est la matière. De loin, l'ambiance générale est semblable. C'est ce qui compte, hein, puisque c'est une forme d'illusion qu'on donne. On ne cherche pas à faire exactement la même chose, mais donner la même ambiance. Tout ça, c'est pour avoir l'effet visuel le plus proche de l'original. Le copiste ne peut jamais faire l'original à 100%. Ça n'existe pas. Même le peintre ne pourrait pas faire son original à 100%. Il y a toujours des minuscules nuances, des minuscules différences de dessin. Alors donc le médecin, il est acteur, metteur en scène ou régisseur en coulisses avec ce type de malade? Je crois qu'il est surtout acteur. Il est surtout acteur, et en particulier à l'hôpital où il y a tout un environnement, un certain théâtralisme à l'hôpital, ce type d'environnement bénéficie bien à l'hystérique, puisque à partir du moment où il voit un grand professeur qui le rassure sur sa pathologie en disant que tout va s'améliorer et qu'il lui répète 2-3 fois par semaine, à ce moment-là, on a des chances pour que le symptôme s'atténue. Les chasseurs ont des leurres sonores pour se faire passer pour les animaux. Ils bluffent les animaux en imitant, plus qu'imitant leurs cris, en les faisant croire qu'ils sont eux-mêmes la femelle ou le mâle ou l'ennemi, ou etc. Et il en existe 36 000 sortes. Donc c'est clair que s'ils partent en même temps, c'est même pas la peine de se poser de problème. Donc au départ, Achille a dit, on va laisser un peu d'avance à la tortue. Reprenons le raisonnement. Il ne s'agit pas d'affirmer de manière péremptoire, mais de démontrer et de déjouer ce gigantesque coup de bluff. Achille ne peut pas rattraper la tortue. The coup de bluff. Bien. Donc, disons n'importe quel marathonien et n'importe quelle tortue sur une ligne droite. Parce qu'on pourrait croire qu'Achille ne rattrape pas la tortue parce qu'il ne suit pas comme elle une ligne droite. Bon, ça, c'est la proposition de La Fontaine. Mais pour Zélon d'Élé, une ligne droite suffit. L'un et l'autre se déplacent en ligne droite, sur la même ligne droite. Une ligne droite standard. Donc, considérons une distance à parcourir en ligne droite, disons 100 mètres. De toute façon, le raisonnement est indépendant de la distance. Ah, malheureusement, oui. Et pourquoi malheureusement ? Bah parce qu'il est ainsi encore plus universel. Quelle est la situation ? Achille donne de l'avance à la tortue, disons la moitié. Elle a en conséquence 50 mètres à parcourir. Le lièvre, lui, 100 mètres. Le lièvre part. Il arrive à la moitié du parcours, c'est-à-dire à 50 mètres du départ, au point précis d'où est partie la tortue. Exact. Mais notre brave tortue, lente peut-être, mais elle bouge. Alors en ce point, son propre point de départ, appelons-le A par exemple, elle n'y est plus. Elle a un peu avancé. Ah oui, bien sûr, ça c'est irréfutable. Mais quand même, ils se sont rapprochés. Ah juste, mais pas rattrapés. Presque. Eh, c'est la différence entre ce presque et un exactement qui valide le raisonnement de Zénon d'Élée. Voyons l'étape suivante. Achille arrive en A, c'est-à-dire le milieu du parcours. La tortue, elle, se trouve, disons, à un point B, juste un peu devant. Donc, quand Achille arrive, si rapide soit-il, quand il arrive à ce point B, la tortue, est partie à nouveau vers, C. Et ensuite ? Ensuite, Achille, donc, se dirige, déterminé, vers C. Il n'a pas le choix. Eh ben non, il n'a pas le choix. Et il arrive en C, là où est la tortue. Gagné ! Là où était la tortue. La tortue, elle est à nouveau partie. Et à présent, elle est en D, encore un peu plus près du but. Et Achille, notre marathonien performant, il est derrière. Un grand joueur de poker, quand il perd 50 francs, quand il gagne 50 000, quoi. Le plus gros coup de bluff, c'est le système LAS. Victor Girard, psychanalyste. On montre qu'on n'est pas touché, alors on bluffe un peu. Bon, mais on est touché. Alors faut tricher, faut savoir un peu tricher, faut savoir faire la part des choses. Il y en a toujours un qui est peut-être plus fort que l'autre. Bon, moi j'ai joué avec quelqu'un pendant des années. Bon, j'ai même joué en équipe avec lui. Hein. Je n'ai jamais pu le battre de ma vie. Je n'ai jamais connu un joueur aussi colossal que lui. Et un très grand joueur, il vous fait toujours peur. Moi j'avais toujours peur. Il n'y a personne sur le ring qui peut le défendre. Il n'y a que lui et moi. Alors bon, tout ce qu'il déclare, c'est bien, mais il faut le prouver son règne. J'ai joué contre lui pendant des années. 5 ans après, j'avais peur. Je ne savais pas ce qu'il avait. J'étais incapable de savoir ce qu'il avait. Donc, il était encore meilleur que moi. C'est un grand combattant, moi. J'ai souffert pour en arriver là. Je suis un combattant. Je ne suis pas un bluffeur. J'ai jamais bluffé. Je ne bluffe pas encore. Bientôt, je boxe. Dans un mois, je boxe. Et je ne bluffe pas. Et je boxe un gars très, très dur. Dans un mois, c'est un vendredi soir. Je défends mon titre. Tout ira bien, Inch'Allah. Le plus gros coup de bluff, c'est l'Immaculée Conception. Christine Gou, professeure de mathématiques. Thank you. Pour Dédé à Léa, se laisser bluffer par son propre comportement est un exercice difficile. Se faire illusion pour les garder est un travail quotidien, sans relâche. Dédé à Léa ne laisse rien au hasard. Comment se laisser surprendre par l'imprévisible en étant soi-même acteur, expérimentateur et résultat de l'expérience de son propre vécu? Pour Dédé à Léa, le hasard fait ici nécessité. Lever du pied gauche, du droit. Au réveil, Dédé à Léa relève chaque matin son hasard. Jeudi, gauche. Vendredi, gauche. Samedi, droit. Dimanche, gauche. Le hasard est têtu, imperturbable et tellement aléatoire. Comme les dés, les pieds de Dédé n'ont aucune mémoire. Si la veille, Dédé à Léa s'est levé du pied gauche, le lendemain pourrait en être ainsi. Si ou non. Indifférent, le hasard décide indifféremment. Seul Dédé à Léa connaît les choix faits par le hasard. Ce hasard est unique, il n'intéresse personne. Pied gauche, pied droit, Dédé à Léa, lui, note, relève en se relevant. Mais le hasard, lui, ne sait rien. Pied gauche, pied droit, il ne connaît ni ne se reconnaît, il ne se souvient de rien. Pour le hasard, chaque jour, chaque heure, chaque instant, chaque événement est un commencement. Le hasard ne prévoit rien. Docile, imprévisible, il décide. Et Dédé à Léa attend paisiblement, se berçant ainsi de ses propres illusions. Pour les garder. On ne fait rien pour tricher. Et on ne peut rien faire pour tricher. D'abord, parce qu'on utilise toujours des toiles modernes, des toiles neuves, des châssis neufs à clé. Et le vrai tricheur, c'est déjà celui qui... Et on en a de temps en temps qui vient nous dire « Mais pourquoi vous pourriez, si je vous commande ce tableau-là, vous ne pourriez pas me le faire sur une toile ancienne ? Et avec un châssis, si je vous amène un châssis ancien, vous pourriez me le monter sur le châssis ancien ?» Alors ça, on ne rentre pas dans ces considérations-là parce qu'on sait dès le départ qu'il y a tricherie. Il fallut attendre 100 ans à la vis pour voir l'invention du tournevis. Vrai ou bluff ? Ce problème de bluffer, c'est de bluffer dans un bon rythme, dans un bon timing, au moment où il faut. C'est dire les choses au moment où il faut, avec le ton qu'il faut, avec... puisqu'on ne voit pas les visages, mais il peut y avoir une petite chose qu'on fait avec le doigt, il peut y avoir un rictus de la bouche. Il faut faire passer toujours quelque chose qui met l'autre dans une situation instable. Il faut que l'autre ne puisse jamais lire ce que tu as. Travailler sur des répliques. Oui. Si je vous demande un Trubetskoy, est-ce que ça a un sens? Oui, je vous demande. Ça n'a pas de sens. Je vous donne un tableau de mon père qui lui était peint. Ça n'a pas de sens. Les copistes ne sont pas des bons artistes. Ils sont tellement influencés par tout ce qu'ils ont copié, par tous les artistes, les grands peintres qu'ils ont copiés. Ils ont fait un tel mélange de visuels, de couleurs, de sujets, d'époques, de matières que ça risque de n'avoir absolument aucune personnalité. Une. Je crois que aussi bon. Un des grands secrets pour gagner, c'est de faire peur. Les copistes sont des peintres ratés, des artistes peintres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sachent pas peindre, ils peuvent au contraire peindre souvent beaucoup mieux que les artistes, mais ils n'ont pas d'idée de création, ils n'ont pas de force de création. Après tout, l'artiste peintre, c'est sa première force, c'est la création. Le poker, c'est un jeu très violent, finalement. Il faut attendre que quelqu'un commence à se lézarder, commence à perdre ses moyens, et puis c'est la lali, il faut la cheveux. Des fois, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait mieux que l'original? Disons, mieux, c'est un bien grand mot, mais souvent différent. Trois cartes. Les mêmes. En 1300, une fourchette fut offerte à Édouard Ier d'Angleterre. Il crut qu'il s'agissait d'une nouvelle arme et il fallut attendre 250 ans pour voir son usage répandu. Vrai ou bluff ? C'est le seul jeu qui est sans réel. Parce que le bridge, il y a le réel des combinaisons. Les échecs, c'est pareil. Là, c'est un jeu sans réel, puisqu'à un moment, le grand joueur, à un certain niveau, ne s'occupe plus du jeu qu'il a et de ce qui lui vient comme carte. Et que les autres, autour de lui, justement, étant pris par la peur qu'il inspire, le moment psychologique étant tellement tendu, il croit aussi ce qu'il a décidé qui était. Sans moi. J'ai pas du tout envie de faire mieux, parce que j'ai plutôt envie de redonner un peu les mêmes sentiments que l'artiste l'avait en faisant un peu, peut-être. Je me demande qu'est-ce qu'il voulait exprimer par son tableau, mais j'ai pas envie de faire mieux, parce que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire mieux techniquement. Parfois on fait les répliques des originaux qui sont même moches, mais on s'est dit, si le client a commandé la réplique, c'est qu'il veut que ça soit aussi moche ou aussi beau. Annonce. Mais attends, avec ce raisonnement, c'est la tortue qui va arriver en premier. Je rêve, j'hallucine. Tu ne rêves pas, ni n'hallucine. La tortue va garder son avance et ainsi progresser. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et au moment où notre tortue est en K, où est Achille, hein? En J. Exact. Et ce, jusqu'au but. Et Achille, le marathonien tout entraîné, tout dopé, tout bronchité, palmé, mucoviscidosé qu'il est, arrivera après la tortue, en Z. Il ne l'aura jamais rattrapé. Comme le lièvre, Achille ne rattrape jamais la tortue. Il sera second, exactement au point Y, juste un petit peu derrière. Exact. On m'a dit que Diogène, sortant provisoirement de son tonneau, apostrophant Zénon Zélé... Zénon, lui dit, Monsieur Zénon, Délé, voyez cette tortue devant moi. Et il s'approcha de la tortue et lui mit délicatement le pied dessus. Voici, je l'ai rattrapé. C'est exact. Et Zénon Délé, qui n'était pas en reste d'un nouveau coup de bluff, lui signifia, Monsieur Diogène... Oui. Considérez un archer visant une cible. La flèche, pour atteindre son but, doit d'abord accomplir la moitié du parcours, et ensuite la moitié du parcours qui lui reste, et ainsi de suite. Dès lors, il lui reste constamment une moitié de parcours à effectuer avant son but, donc elle n'y parviendra jamais. Ainsi, la flèche n'atteint jamais son but. Mais l'humanité est-elle condamnée à parcourir ainsi, sans but, des moitiés de moitiés? Non! Écoute, pour moi, aujourd'hui, ça suffit. Tu vas trop vite. Je pars devant. Oui, oui, pars devant. Je te rattrape. Moi, je connais pas d'autre exemple où quelqu'un impose un réel qui n'est pas le réel et autour de lui, une communauté sociale le croit. À un moment, il y a une perversion des règles par une relation psychologique telle que le réel n'existe plus. Et d'ailleurs, il n'existe plus du tout, puisqu'on est dans une pièce enfermée à quatre depuis 15 heures, c'est noir partout. Pendant 15 heures, on a dit que des phrases banales les plus courtes qui existent. Il y a une lumière qui cache les visages. Bon, on est quand même déjà... La mise en scène est hors du réel. Et à un moment, dans cette mise en scène, il y a une espèce de gouffre où il n'y a plus de réel du tout. Tu sors un jeu de cartes, il y en a toujours un dans la salle qui va dire « Ah, je connais ». Je connais pourquoi, parce qu'il y en a toujours un dans la salle qui connaît tout. Donc lui, ça va être un support formidable. C'est-à-dire que dans ton spectacle, il va intervenir deux, trois fois en disant « je connais », en dévoilant même. Parce qu'il peut connaître, en effet, il peut avoir une boîte de magie comme tout le monde, quand il était petit, et connaître deux, trois secrets. Donc la personne qui va s'exprimer là-dessus, c'est un bon client finalement pour toi. C'est un type qui fout un peu le merdier dans ta salle, c'est un type qui dit qu'il connaît, il est formidable puisqu'il connaît tout. Donc tu vas le faire venir sur scène puisqu'il connaît. Donc tu as quelqu'un qui est avec toi, un semi-professionnel, puisque toi tu es professionnel sur scène, tu fais venir quelqu'un qui connaît. Donc c'est un partenaire. Un partenaire, c'est formidable. Et là, ce partenaire, tu vas lui faire justement ce tour-là. C'est-à-dire que tu vas l'amener à deux, trois petits tours avant, puis tu vas lui faire, tenez, asseyez-vous, et puisque vous connaissez si bien la magie, regardez bien cette petite boulette et tu vas la mettre dans ta main et elle va disparaître sous ses yeux. Et la deuxième et la troisième, et toute la salle va voir ce qui se passe. C'est-à-dire ce type qui a un peu cassé les pieds à tout le monde en disant qu'il était le plus fort finalement, puisqu'il était lui spectateur, mais qui connaissait, il va se retrouver en fait totalement idiot. Et là, la salle rit d'autant plus, si tu veux. C'est-à-dire que ton tour est encore deux fois plus fort. Arriver quand même à faire croire à quatre personnes autour de toi que tu as, par exemple, une couleur, alors que tu ne sauras jamais ce que tu as, alors que les quatre vont se coucher, alors que personne ne saura jamais ce qui existait vraiment, et que toi, grâce à ça, sur un coup où tu commences à jouer certaines sommes avec des gens qui ont un peu d'argent, tu vas peut-être gagner 30 000 balles en faisant ça, c'est quand même fou. Picasso, à qui on présentait des faux, les reconnut. Les experts présents affirmant « Mais ce sont des faux !» Le maître répondit « Mais Picasso sait également peindre de faux Picasso. » Vrai ou bluff ? J'adore faire des tours de magicien quand je ne suis pas magicien. Pourquoi ? Parce que d'abord, les gens ne s'y attendent pas. Alors, tu fais des tours de magie dans la vie. En fait, quelqu'un te demande du feu, tu vas lui faire un vrai tour de magie, un tour de magie incroyable, où la boîte d'allumettes va tourner sur ta main, elle va s'ouvrir toute seule, tu prends l'allumette, enfin bref, un tour de magie sous les yeux de cette personne qui ne va pas le voir, c'est-à-dire qui ne va pas être bluffé du tout, puisqu'il ne va pas l'enregistrer. Il ne l'a pas vu, ce tour de magie. Moi, je me dis, c'est formidable. Ce type n'a rien vu, j'ai fait un tour de magie, il est formidable. Et là, ça bluffe, ouais. Dédé Aléa est un bluffeur. Mais si Dédé Aléa est un bluffeur, ce n'est pas pour bluffer l'autre. Bluffer l'autre pour tirer parti de la situation, ce n'est pas le problème de Dédé Aléa. Dédé Aléa bluffe qui, alors ? Eh bien, lui-même. Dédé Aléa ne s'étonne plus du monde dans lequel il vit. Alors il doit s'étonner seul. Seul ou avec Dieu ? Dieu ? Le plus gros coup de bluff, c'est le paradis. Un projet que Dieu n'a jamais pu mener à terme, faute d'imagination. Michel Azama, auteur dramatique. Dans les quelques phrases qu'on doit dire, en dire une un peu trop vite, pour faire croire qu'on bluffe et on bluffe pas... Avoir un temps d'arrêt comme si on était complètement troublé alors qu'on l'est pas. Prendre les cartes en faisant un geste inconsidéré avec le pouce, puisqu'on observe tout ça. Donc finalement, ça c'est de l'illusionnisme. Faire croire par une contenance physique qu'on a ce qu'on n'a pas. Quand tu vas voir un magicien, tu y vas pour être bluffé. Donc déjà, les gens vont pour ça. Donc quelque part, ils s'attendent au bluff. Donc ils sont plus difficiles clients que quand ils ne savent pas que tu es magicien. Et que tu es dans la rue et que tu fais un tour de magie comme ça, là oui, là ils sont bluffés. Les gens aujourd'hui ont peur du bluff en fait, ont peur d'être bluffés, enfin n'osent pas être bluffés finalement. Le bluff c'est toi qui te le crée en fait, c'est ton imaginaire qui crée ton bluff en fait, hein, dans la vie. Il y a des gens qui traversent rouge, des fois je suis bluffé parce que c'est vert, quoi, tu vois, et puis qui traversent c'est vraiment rouge pour eux, et pourtant ils sont pas daltoniens ces gens-là, je veux dire, je suis bluffé. Le grand joueur va introduire d'infimes variations gestuelles ou de rythme de parole, et à chaque fois, ces variations feront croire à l'autre qu'il bluffe quand il bluffe pas, qu'il bluffe pas quand il bluffe, qu'il a peur quand il n'a pas peur, qu'il a ce qu'il n'a pas. Mais que Dieu peut-il pour d'aider Aléa? Dieu étonne-t-il les hommes? Surprend-il les hommes? Surprendra-t-il d'aider Aléa? Dieu bluffe-t-il? Et si Dieu bluffe, qui bluffe-t-il? Quel intérêt Dieu trouvera-t-il à bluffer? Si bluffer, c'est faire illusion dans le but de tirer parti de cette illusion, quelle contrepartie Dieu tirerait-il d'une telle situation? Bluffer? Bluffer? Bluffer d'aider Aléa? Et d'abord, d'aider Aléa, se laisserait-il bluffer par Dieu? Comment Dieu, si prévenant, si prévoyant, entrera-t-il dans la vie de Dédé Aléa pour le surprendre, l'étonner, le bluffer? Non, non. Dieu ne peut faire illusion. Dieu est illusion. Alors si le monde, les hommes n'étonnent plus Dédé Aléa, ne le surprennent plus, ne le bluffent plus, si Dieu lui-même n'accomplit cette tâche, qui? Qui? L'imprévu, l'imprévisible, le hasard. Le hasard? Oui. Dédé Aléa ne laisse plus rien au hasard, par hasard. Le hasard n'échappe plus à Dédé Aléa. Il le prend, et s'y surprend. Ainsi, aujourd'hui, porter des chaussettes de couleurs différentes à chaque pied est pour lui hautement probable. Probable et prévu. Cette situation amuse beaucoup son entourage. Elle n'est pas un choix, mais le résultat d'un tirage, le résultat d'un hasard. Du hasard. Coton, fil d'Écosse, de laine ou de tennis. Ou de tennis. Chaque matin, Dédé Aléa plonge une main hasardeuse dans le sac magique. Verte à droite, blanche rayée à gauche, parfait. Chaque jour, le hasard l'étonne enfin. L'imprévisible décide pour Dédé Aléa. Le bluff, simplement. Dédé Aléa le sait, bien que le cas soit peu probable, une ou deux fois par an, le hasard se rebelle. Deux rouges. S'organise. Deux blanches. Se concerte. Deux noirs en fil d'Écosse. Oh, un cauchemar. Un cauchemar. Ces jours-là, Dédé Aléa se confond avec les autres. La tribu barbare des personnes portant à chaque pied des chaussettes de même couleur. La tribu de ceux qui ne s'étonnent et n'étonnent plus. Le monde du réel, en quelque sorte. Ici, le bluff n'a pas sa place. La logique accapare tout. Deux rouges, deux noirs en fil d'Écosse, deux vertes côtelées, non! Ces jours sont, pour Dédé Aléa, d'une grande injustice. Même si après ces tirages identiques, maudits, Dédé Aléa porte des chaussettes semblables, il reste profondément différent. Dédé Aléa porte, lui, des chaussettes identiques très particulières. Identiques, mais choisies au hasard. Par hasard. Aléa Jacques Teste, les dés sont jetés. C'est le hasard qui bluffe Dédé Aléa. Il est de petites choses qui élèvent et grandissent l'âme, qui font illusion, pour ne pas perdre ses illusions. Thank you. Mais que fait Dédé Aléa, un dé dans une main et un pistolet dans l'autre? Coup de bluff? Non, Dédé Aléa ne joue pas avec la vie. Non, Dédé Aléa joue avec sa vie. Dieu ne joue pas au dé. Si Albert Einstein, Jacob et Monod disent vrai, alors Dédé Aléa, lui, il peut jouer au dé. Il peut disposer du hasard, de son hasard. Il peut nécessairement disposer de sa vie, par hasard. 1. Je rejoue. 2. Aussi. 3. J'attends demain. 4. Je tire. Dans le mur. 5. Je m'explose le crâne. Et 6, elle-même. Enfin. Vrai ou bluff? Vrai ou bluff? Vrai ou bluff? Vrai ou bluff? Vrai ou bluff? Vrai ou bluff? James Kippak, le biologiste américain inconnu, le restera. Il ne se fit jamais greffer un second pouce à la main droite. ACR. Atelier de création radiophonique. Bluff ou de vrais imprévus en fausses illusions par Norbert Aboutaram. Avec Olivier Gou, neurologue, un joueur de poker. Gaëtan Mikalef, entraîneur, et Mehdi Labdouni, boxeur. Arnaud Troubetskoy et les peintres répliqueurs de la galerie Troubetskoy. Christine Gou, professeur de mathématiques. Jean Bailly, acousticien. Et Alain de Moyencourt, illusionniste. Conception, musique, texte, Norbert Aboudaram. Comédien, Nathalie Cerda, Alain Langlais. Réalisation, Monique Burguière, Jean-François Artero. Véronique Amiot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 mars 1996. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize. saying to me that nobody else could do. Let me live 'neath your spell to do that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do. That nobody else could.